le son, merci. Mais par contre, mes enfants sont venus, du coup, et ainsi que de la famille aussi. Donc voilà, on parle tellement de vous que des gens ont voulu vous voir aussi. Et c'est toujours une joie. Et c'est une église avec laquelle je suis toujours en contact via Instagram. Et d'ailleurs, avant de commencer le message, à chaque fois que je vous suis sur Instagram, chaque jour ou sur Facebook, je vois toujours vos stories. Et c'est toujours... je change. Ok, merci beaucoup, William. Il y a toujours de la bonne nourriture et des beaux voyages. Donc, je ne sais pas où vous travaillez, mais du coup, j'ai ramené un petit CV que je vais vous poster juste après. Et puis, vous allez, je ne sais pas du coup qui va m'embaucher, mais j'ai envie de faire le même métier que vous. Manger des bons repas, voyager en Italie, au Portugal, partout où je vous vois, ça me donne envie. Okay. Aujourd'hui, en fait, j'ai le privilège de commencer une série qui s'appelle « Dieu, qui es-tu ?». En fait, l'idée de cette série que vous allez démarrer en fait, sur plusieurs messages qui vont vous conduire jusqu'à l'été, en fait, à ce que j'ai compris, c'est de découvrir ou du moins redécouvrir le Dieu de la Bible. Redécouvrir à travers la révélation spéciale qui est la parole de Dieu, qui est Dieu et qu'est-ce qui est révélé de lui dans les Écritures, à savoir ses attributs. Et donc on va passer à travers plusieurs attributs en fait, tout au long du mois de juin. Et aujourd'hui, le thème de mon message, c'est le Dieu créateur. Et je voudrais vous remercier d'abord pour la confiance. Et je voudrais remercier aussi Dan, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a fui lâchement, parce que c'est difficile de prêcher sur le Dieu créateur sans parler évidemment du texte de la création, qui a été un texte qui a été imposé. Mais c'est un texte qui est peut-être un des plus controversés de la Bible. Donc merci pour sa confiance et merci pour le défi. Vous voyez avec les cernes, en fait, toutes les études que j'ai dû faire, donc vous le remercierez, je vous lui dirai hein, qu'il n'est pas venu, mais vous le remercierez pour ça. On va lire, du coup, on va prendre Genèse 1, on va lire l'intégralité du chapitre, et ensuite, je vais partager quelques points dessus. Genèse 1, à partir du verset 1. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. » Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel, et il y eut un soir et un matin, ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, je veux que les eaux d'en dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit, afin que la terre ferme apparaisse. Ce fut ainsi. Dieu appela terre la terre ferme, et mer l'amas des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'arbres fruitiers, prodigions du fruit selon leur sorte, pourtant portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit, chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le troisième jour. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit, et pour marquer les saisons, les jours et les années, que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des deux, afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider la nuit. Il fit également les étoiles, et il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre, de présider le jour ainsi qu'à la nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que les hommes, que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel, au-dessus de la terre. Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux et les mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et un matin, ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles, des insectes et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte. Il fit les bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les, et les insectes selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux de toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Et il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir, toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut au ras de la terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'il s'en nourrisse. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le sixième jour. On va lire également juste le chapitre 2, juste le verset 1. Aussi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. J'aimerais juste prier avant qu'on aille plus loin. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Ta parole qui est véritable, Seigneur, ta parole qui est puissante, Seigneur, qui est vivante, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, comme Jean-Baptiste, Seigneur, que je diminue et que tu croisses en moi. Seigneur, que la parole qui va être apportée, Seigneur mon Dieu, Seigneur, puisse porter du fruit, Seigneur, germer dans les cœurs, Seigneur, et porter du fruit en abondance, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, que Seigneur, tu emmènes toute pensée captive, Seigneur, à ton obéissance, à ta parole, Seigneur mon Dieu, et que chacun, Seigneur, reçoive, Seigneur, la part qui lui est due, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu créa le ciel et la terre. En fait, c'est ce qui s'appelle un mérisme. Vous savez, c'est deux entités qui dévoilent un tout. C'est par exemple quand on dit de la tête aux pieds, ou alors j'ai travaillé jour et nuit. Dieu créa le ciel et la terre, ça veut dire que Dieu est le créateur des cieux, de la terre, des galaxies, du cosmos, de tout ce qui est, de toute la création. C'est ça que ça veut dire, Dieu créa le ciel et la terre. Et j'aimerais juste, en fait, pour introduire, revenir à deux choses fondamentales, justement, du coup, quand on est sur un texte aussi important, mais aussi qui peut être aussi tendancieux selon les interprétations qu'on a, je voudrais en fait commencer juste par un encouragement et un avertissement également. La première chose du coup qui est important de comprendre, c'est que Jésus est créateur. Amen. La Bible est christocentrique, il y a une pensée avec Jésus en fait au centre. D'ailleurs, c'est pour ça que l'évangéliste Jean du coup au chapitre 1 nous dit « Au commencement était la parole, au commencement était Jésus ». Tout ce qui a été créé par lui, et rien de ce qui n'a été créé a été créé sans lui. Paul d'ailleurs va dire aussi, je ne veux savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans Apocalypse 13, ça va parler également de Jésus en fait, qui était là avant la fondation du monde. Et j'aime également ce texte en, fait, en Colossiens 1 qui parle de Christ et qui dit « Ce Fils, il est l'image de Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute la création. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances, c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. » C'est ce qui fait en fait la différence quand on parle en fait du Dieu créateur, parce que toutes les religions en fait parlent du Dieu créateur. Les musulmans parlent de ce Dieu-là qui a créé toutes choses, les juifs également, même les francs-maçons, en fait, tout, ça parle en fait de partout en fait de ce Dieu créateur. Mais la différence, c'est Christ. C'est Christ, notre pensée est christocentrique, c'est lui le créateur. Et je ne voudrais pas en fait qu'il y ait mégarde, je crois profondément, en fait, comme vous tous, dans la Trinité. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je ne crois pas en l'unicité de Jésus, mais par contre, je crois dans l'intégralité de Jésus au travers de la Bible. Dans la plénitude de Jésus, Jésus est celui qui est, celui qui était et celui qui revient. Et Jésus est le Créateur. Et c'est ça qui est, pour l'interprétation du Dieu Créateur et de savoir toute la création, c'est vraiment là où on doit mettre le focus. Notre unité en tant que chrétien, c'est justement dans cette vérité-là. Que Jésus est créateur. Et comme je vous l'ai dit, en fait, Genèse 1, c'est un des textes, peut-être même le texte le plus controversé dans la Bible. Il y a à peu près, on va dire, il y a une quinzaine d'interprétations différentes. Il y a 14 interprétations, en gros, qui sont reconnues, qui se valent à peu près, mais il y en a plus d'une quinzaine. Après, il y en a qui sont un peu loufoques. Et c'est là, en fait, mon encouragement, ce qui est important de comprendre et de saisir, c'est ce qui fait la différence n'est pas notre interprétation de la création, mais notre focalisation sur le Créateur qui est Christ. Amen. C'est pas, en fait, notre interprétation ou ce qu'on en comprend, en fait, de la création, mais c'est notre focalisation sur celui qui a créé toute chose, à savoir Jésus. Et c'est là, en fait, où est notre unité. C'est ce qu'on appelle des éléments non négociables dans le christianisme. En tout cas, c'est moi qui les appelle comme ça. C'est-à-dire, du coup, la Bible et la parole de Dieu. Dieu créateur de toutes choses, Christ a été crucifié, etc. En fait, toutes ces vérités sont négociables. Et sont non négociables, pardon. Et justement, ça nous amène, en fait, à une unité. Mais par contre, je crois et j'encourage, en fait, chacun, que les éléments secondaires, à savoir les interprétations de ce qu'on peut croire, que chacun puisse, on puisse tolérer la liberté également de chacun, d'avoir les interprétations qu'il en a. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui nous divise en tant que chrétiens, d'avoir une théorie ou une autre par rapport à la création. Du moment qu'on reconnaît que Christ est le Créateur. Et j'aimerais juste, sans dire ma position, je crois qu'Oral dit ses positions clairement, et juste en fait pour que vous puissiez comprendre à peu près toutes les interprétations qu'on a, j'ai choisi les trois plus grandes pour vous expliquer globalement les trois positions dans le christianisme. La première position, c'est l'agape théorie. Comme vous avez vu en fait dans le verset 1, ça parle en fait du Dieu qui a créé toutes choses, et au verset 2, on voit qu'il y avait un chaos et que Dieu en fait était à la surface de la terre. Et l'agape théorie, en fait, ça, c'est la théorie qui dit qu'entre ces deux versets, il y a la chute en fait de Satan et des anges qui sont venus avec lui. Et justement, en fait, que c'est là en fait la chute de la création. Ça s'appelle l'agape théorie. La deuxième théorie répandue également, c'est les jours âges. C'est-à-dire qu'on dit qu'en fait Dieu n'a pas créé la terre en 7 jours de 24 heures. Comme la Bible dit, en fait, un jour vaut 1000 ans pour Dieu. Et en fait, on fait correspondre du coup les jours avec la création, avec les éléments scientifiques aussi. On dit juste les jours qui... Ce n'étaient pas des journées de 24 heures, mais la création s'est réellement passée comme ça. Et la troisième, qui est certainement la position la plus répandue, du moins dans les églises évangéliques, c'est le créationnisme littéral. C'est-à-dire qu'on croit réellement que la Terre a été formée en 7 jours, que du coup la Terre a 6000 ans. Et que vraiment, en fait, du coup, on se fie aux généalogies de la Bible, et en fait, tout ce qui est Darwin et tout ça, on réfute ces théories-là qui sont scientifiques. Donc, voilà, c'est pour vous dresser un petit peu le tableau. Je ne dirai pas ma position, parce que vous connaissez également la position de Oral, qui affirme ses positions également, et donc c'est très bien comme ça. C'est juste pour vous dresser un peu le tableau. Et par contre, il y a un avertissement là-dedans. Il y a un avertissement... je pense qu'il y a un piège également en tant que chrétien quand on parle de la création et du Dieu créateur, c'est d'opposer la Bible à la science. Et je crois que dans l'histoire de l'Église, c'est souvent ce qu'on a fait, et ce qu'on fait, c'est d'opposer totalement la Bible et la science. Mais je crois qu'en fin de compte, les deux n'ont pas à être opposés parce que les deux ont un rôle différent. Du moins, ça, c'est ce que je crois. Il y a un danger en fait dans le fait d'opposer constamment et d'essayer de rentrer dans des débats avec des scientifiques parce que évidemment qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas les opposer dans le sens qu'il y a une notion qui est complémentaire. J'aime cette phrase en fait qu'a dit un théologien. Il a dit en fait la Bible n'a pas été face à la science. Il parlait de la Bible face à la science. Il disait la Bible n'a pas été faite pour montrer comment a été fait le ciel et la terre, mais nous montrer comment on va au ciel. Je trouve ça fort en fait. Du coup, parce que les scientifiques expliquent le comment, mais par contre la Bible explique le pourquoi. Et c'est ça en fait qu'il est important de saisir, qu'il est important qu'on comprenne vis-à-vis de la création. Comprendre le sens. La Bible en fait est là en fait pour nous révéler également le sens et le but, le pourquoi de la vie. Le comment est complètement secondaire, en tout cas je pense. Certains éléments scientifiques, je pense que ça approuve la Bible et c'est très bon. D'autres, je ne suis pas d'accord et il n'y a pas de problème avec ça. Mais je veux dire en fait... Je pense que c'est une perte de temps et de focalisation que d'opposer l'un et l'autre constamment. Il faut recentrer, refocaliser sur juste Christ est créateur et ça nous va très bien. Donc j'ai été, on m'a demandé du coup pour ce message-là, on m'a dit de traiter deux questions. Dieu créateur, quelles conséquences pour nous? Et nous sommes créés à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour nous également? Donc ça m'amène en fait à traiter trois points. Premièrement, je vais parler d'adoration. Deuxièmement, je vais parler de compréhension. Et troisièmement, je vais parler d'application. Tout d'abord, en fait, ce que le Dieu créateur, comprendre en fait la création, le Dieu créateur, ça nous a amené à juste l'adoration. La création, en fait, n'est pas faite pour nous amener juste à des questions, à des raisonnements, à des théories ou à des interprétations, mais juste pour susciter notre adoration. Romains 1 dit « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. » Le monde, en fin de compte, la création, du coup l'immensément grand, même l'immensément petit, en fait tout ce qu'on voit dans la création doit nous pousser à l'adoration, à adorer Dieu. Vous savez, j'ai toujours eu une passion pour l'immensément grand, mais du coup je me suis aussi intéressé à l'immensément petit, notamment avec une de mes connaissances quand j'étais étudiant. J'avais un ami, quand j'étais étudiant, il était passionné par deux choses, les fourmis et le cannabis. Je ne sais pas si les deux sont en lien, je pense peut-être que l'une a engendré sa passion pour les fourmis, parce que c'est le seul gars que j'ai connu qui était passionné de fourmis, mais il était passionné de fourmis, et en fin de compte, il a commencé à me parler, vous savez, on dit que les gens passionnés sont passionnants, enfin, je ne resterai pas sur Arte à regarder un documentaire sur les fourmis, mais il a réussi à me faire intéresser en fait, à ces petites bêtes qui ont juste une intelligence qui est au-delà de la normale, une civilisation en fait hyper organisée, tout ça. Et ça, je crois en fait que dans ces créations-là, en fait, ça pousse à adorer Dieu. En fait, que des individus si petits, d'ailleurs la Bible, hein, dans Proverbe 6, nous dit à regarder aux fourmis, nous parle souvent, nous incite à regarder à sa création. Et des si petits machins, du coup, en fait, soient aussi organisés. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous savez, quel cerveau en fait tient dans un espèce de petit truc? Moi, ma fille aussi est passionnée par les fourmis en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a avec les fourmis. Elle aime bien les écraser. Donc du coup, je l'encourage. Je lui dis, mais non, ma fille, regarde au Proverbe 6 qui nous dit à regarder aux fourmis et je les écrase avec elle quand même. Parce que, pour moi, j'ai une théorie. Je crois que les insectes sont venus après la chute. C'est tellement moche que du coup, c'est vrai que... Mais c'est intéressant. Voilà, pour revenir à... Mais... La Bible, en fait, et surtout dans les proverbes, les psaumes, souvent nous poussent à regarder la création de Dieu. En fait, que ce soit je lève mes yeux vers les montagnes, ou justement, du coup, regarder aux fourmis, le même proverbe, en fait, nous incite à regarder vers d'autres éléments de la création, comme les lions, etc., pour nous pousser à l'adoration. La création de Dieu ne doit pas nous pousser au questionnement, mais juste à l'adoration. Susciter, provoquer l'adoration en nous. J'aime ce que dit Néhémie. Il dit c'est toi, Éternel. Toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, à l'armée et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Dieu créateur, donc on m'a demandé quelles conséquences sur nous. Quelle est la conséquence de Dieu qui crée toutes choses sur nous, sur nos vies à nous, en tant que croyants? En fait, c'est pour ça que je vais vous parler de compréhension. On est appelé, je crois, à comprendre, à assimiler, à voir en fait les principes théologiques derrière la création de Dieu. Dieu crée toutes choses. Et vous savez, la Bible dit en fait que quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Quand il ordonne quelque chose, la chose existe. Et je crois qu'en fait, des fois en fait, je me pose cette question-là. Je me dis, mais Dieu en fait, est-ce que dans sa toute puissance, en fait, en une seule parole, est-ce que Genèse 1 et 2 n'auraient pas pu être résumés en juste une seule phrase? Et Dieu créa tout. Ça aurait pu être ça. Mais pourquoi en fait ce processus des 7 jours? Pourquoi en fait ce processus de tout ce qui va prendre place? C'est ce que je vais expliquer là, parce qu'il y a vraiment un principe, des principes de Dieu, un enseignement à tirer derrière ça. Dieu n'est pas en fait intéressé à ce qu'on soit dans juste une interprétation scientifique. Il y a des principes en fait puissants, théologique pour nos vies derrière ce texte-là de la création. D'ailleurs, c'est ce que dit en fait, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, et utile, retenez bien le mot utile, pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Donc on peut se poser la question et se demander en fait au travers de ce verset-là, quelle est l'utilité au final pour ma vie de ce texte de la création ? Quelle est l'inspiration du Créateur pour nos vies dans le récit de la création ? Et on doit se focaliser sur quelque chose. Il y a trois grands principes, du moins selon moi, qui se dégagent de ce texte-là. Trois grands principes du processus de création de Dieu. Séparer, remplir et multiplier. La première chose, c'est séparer. On voit en fait les trois premiers jours du chaos, en fait, dont en fait ça commence au verset 2. Dieu va tout d'abord séparer. Je ne sais pas si on peut projeter la première photo que j'avais. Le temps que je continue, le temps que ça arrive. Les trois premiers jours de la création sont juste une histoire de séparation. Dieu va séparer en fait la lumière des ténèbres. Voilà, on voit la lumière des ténèbres va séparer le deuxième jour l'étendue des eaux avec le ciel. Le jour 3, en fait, l'étendue de la terre avec l'étendue des eaux. Les trois premiers jours sont juste un processus de séparation. Le premier principe du processus de création, c'est le processus de séparation. Dieu remet les choses en ordre. 1 Corinthiens 14, au verset 33, nous dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, nous avons un Dieu d'ordre. » Et les trois premiers jours sont une séparation et une remise en ordre de choses. Parce que le verset 2 nous dit que la terre était dans un chaos. Et Dieu sépare les choses et remet de l'ordre dans ce monde-là. C'est extrêmement important de le comprendre, en fait, parce qu'il y a un principe spirituel derrière. La définition d'ordre, quand vous regardez dans le Larousse, qu'est-ce que ça dit ? L'ordre, c'est l'organisation de chaque élément dans la place qui lui convient. Et parfois, il y a un principe spirituel derrière ça, c'est que parfois notre vie peut prendre des allures de chaos. Car Jésus n'est pas en premier dans nos vies. Parce que l'ordre, le but en fait de Dieu dans nos vies n'est pas l'ordre n'est pas appliqué. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui ont un garage chez vous. Moi, j'ai un garage. Et en fait, un garage, on est d'accord, c'est censé être pour une voiture. Ma voiture ne rentre absolument pas dedans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je mets tout dans mon garage. Tout ce que je peux mettre, je mets. C'est vraiment la salle, je crois. Des fois, même, j'ai même peur d'ouvrir la porte pour ne pas être enseveli par tout ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'il y a dans mon garage, je le stocke dedans. Et il n'y a rien de plus ridicule, je me sens le plus ridicule du monde quand l'hiver, je suis en train de gratter ma voiture, quand il fait moins 8000 degrés, devant mon garage, ma voiture qui dort dehors alors qu'il y a juste un garage qui est juste en face pour la garder au chaud. Et je suis là en train de me geler les doigts, en train de gratter ma voiture, je me dis, mais punaise, mais j'ai un garage et non, elle dort dehors, tout ça parce qu'en fait je veux stocker des choses qui ne servent absolument à rien dans mon garage. Et vous savez quoi ? C'est exactement pareil des fois dans nos vies. Il y a un principe de gestion qui est fondamental. C'est que pour gérer une chose, il faut mettre les grandes choses en premier. Et après, on peut stocker les autres choses. Et c'est un principe qui s'applique dans nos vies spirituelles. Ce principe, en fait, s'applique dans la parole de Dieu. On doit mettre Christ en premier dans nos vies. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus nous dit. Faites du royaume de Dieu votre priorité. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On doit focaliser, mettre Dieu réellement en premier. Et parfois, l'enseignement qu'il y a derrière également, c'est qu'on doit faire du ménage dans nos vies. Parfois, dans nos vies, il est bon de faire justement, dans le chaos de nos vies, entamer le même processus de séparation que Dieu fait. Séparer, faire du ménage, remettre les choses à leur place, remettre Jésus en priorité, remettre la famille en priorité, à savoir le couple, les enfants après, remettre l'église de Christ juste après, remettre les choses dans l'ordre. Nous avons un Dieu d'ordre. Et les trois premiers jours de la création, je crois qu'il y a un principe spirituel là-dedans et qui est la remise en ordre de Dieu, la réorganisation de Dieu. Vous savez, c'est ça la définition du chaos, c'est un désordre. Quand ça parle de chaos, c'est juste c'est un désordre total. Et on peut également voir dans ce principe de séparation que s'il y a la nécessité de séparer, ça enseigne également qu'il y a des choses qui ne doivent pas être mélangées. Et c'est important de savoir en fait ça du coup aujourd'hui, parce que on vit dans un monde où, et c'était à l'époque biblique aussi, enfin, c'était pareil avec le paganisme, etc., mais on vit dans un monde où les choses sont mélangées, vous voyez ? Du coup, et les choses ne sont pas mises dans le bon ordre. Par exemple, du coup, on va mixer les religions entre elles, on va faire en fait toutes ces choses-là, en fait mélanger. Il y a des choses qui doivent être séparées. Et ce que j'aime en fait, c'est que la Bible dit Dieu dit. Et dans le Dieu dit à la parole de Dieu, il doit y avoir un retour à la parole de Dieu. Et parfois on se demande par exemple qu'est-ce qu'un livre comme Lévitique peut nous apporter. Lévitique, quand vous êtes dans vos plans de lecture biblique, vous arrivez dans le Lévitique. Vous kiffez comme moi, c'est ça, du coup vous êtes là, du coup vous avez hâte de lire votre Bible. Vous lisez les trois chapitres, après vous dites bon, on va passer au suivant parce que là c'est vraiment... C'est évidemment en fait que du coup les applications ne nous concernent pas du coup actuellement, mais il y a des principes spirituels forts derrière. Et notamment, le livre de Lévitique parle de ce principe spirituel de séparation. Quand ça dit par exemple, tu ne mettras pas en fait, deux semences dans un même champ, tu ne mettras pas deux mêmes coutures dans un même vêtement, Dieu nous apprend en fait derrière ça de l'ordre et la séparation. C'est un principe spirituel que Dieu enseigne à Israël, c'est tu dois séparer le pur et l'impur, le saint du profane, les choses de Dieu et les choses du monde, la chair de l'esprit. Il y a un processus de séparation. Et on a besoin de séparer certaines choses dans nos vies. Donc le premier principe, séparer. Le deuxième, c'est remplir. Je veux bien, si tu peux juste envoyer la deuxième photo. Les trois premiers jours, Dieu sépare. Et les trois jours suivants, on va voir qu'il va remplir. En fait, Dieu remédie au vide de la création. Une fois qu'il a séparé, il va amener la plénitude. Il va mettre des luminaires, du coup, dans l'étendue, en fait, dans les ténèbres et la nuit, en fait, la lune, le soleil pour le jour, dans l'étendue du ciel, les oiseaux, remplir la mer des poissons, de tout ce qu'il y a, etc., l'étendue de la terre. Après, il va créer les animaux, les êtres humains. En fait, Dieu ne nous demande jamais de séparer quelque chose sans remplir la chose derrière. Parce qu'on a un Dieu qui est un Dieu de la plénitude. Jésus crée la plénitude. Jésus est la plénitude. J'aime ce que Blaise Pascal a dit. Il a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui n'a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Jésus remplit chaque sphère qu'il a séparée au préalable. Jésus est notre plénitude. J'aime ce que Colossiens 2 dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est notre plénitude. Et parfois, en fait, on se dit, mais on sent des zones de vide dans nos vies. Et j'aimerais juste encourager quelqu'un, il n'y a aucune zone de vide que Christ ne peut pas remplir. Dieu est ce Dieu qui veut remplir ta vie, qui veut amener la plénitude, sa paix qui surpasse toute intelligence dans chaque zone de ta vie. Il veut remplir ta vie. Et il n'y a rien de ce que Dieu retranche qui ne remplace pas par quelque chose de mieux. Vous voyez, on peut en fait voir dans les séparations quelque chose de violent, du coup une déchirure en fait, mais il n'y a rien dans ce que Dieu nous demande en fait de séparer dont il ne remplace pas par quelque chose de mieux. Jésus est notre plénitude. Le troisième principe qu'on a vu séparer, remplir, le troisième principe c'est multiplier, la multiplication. On va voir qu'à chaque fois il va dire en abondance, il va parler de la multiplication, des espèces, etc. Et je crois que ça nous enseigne qu'il y a un lieu propice à la bénédiction, il y a un lieu propice à la multiplication. Les trois principes, au final, vont ensemble. Du coup, l'un ne va pas sans l'autre. Ils sont alignés les trois avec les autres. Et je crois que c'est vraiment, du moins, enfin, le texte de la création Genèse 1 nous enseigne des tas et des tas de choses, mais je crois que c'est parmi les choses les plus fondamentales. Séparer, remplir et multiplier. Et nous sommes appelés, Jésus a dit ceci, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et je crois que pour vivre l'abondance que Christ nous promet, la vie abondante que Christ nous promet, nous sommes également appelés en fait, à comprendre cet ordre qui est l'ordre créationnel. Si l'ordre n'est pas rétabli dans nos vies, Dieu ne peut pas mettre en place ce processus justement de bénédiction, de plénitude, de multiplication. Et ce que j'aime avec Dieu, au final, c'est que il s'agit pas de nous, en fait, il s'agit juste de l'espace dans lequel on lui laisse la place. Vous savez, j'ai un petit bout de terrain, pas grand-chose, et Aurélie aime bien jardiner, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et là, elle commence à voir pour planter des choses, etc. Tout est légal, vous inquiétez pas. Et en fait, ce qui est fou quand on jardine, enfin quand elle jardine, je vais pas commencer à mentir, je ne jardine absolument pas, mais c'est que pour que quelque chose pousse, il faut juste mettre un contexte favorable, juste enlever les mauvaises herbes, séparer, mettre une bonne terre, etc. En fait, tout ce processus de séparation, mais la croissance, en fait, la bénédiction de ce qui va apparaître, nous appartient absolument pas. Et c'est exactement pareil, en fait, ces principes qu'on voit là, exactement, c'est juste laisser la place, rétablir l'ordre et laisser un lieu, en fait, un espace favorable à Dieu pour rétablir cette croissance, cette multiplication, cette bénédiction dans nos vies. Donc, créer à son image, quelles sont les conséquences pour nous? Et c'est là que je vais vous parler de mon troisième point qui est l'application. La Bible dit qu'on a été créé à l'image de ce Dieu créateur-là, de tout ce qu'on a vu au début. On a été créé à l'image de ce Dieu-là, de ce Dieu créateur. Et quelles conséquences ça a dans nos vies? C'est la question qui m'a été posée. Je crois qu'il y a deux points fondamentaux. Il y en a énormément, mais je voudrais développer deux points. Ça pose une question d'identité et c'est également une question d'autorité. C'est ce que Genèse 1, 26 nous dit. On va relire juste le verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Premièrement, on voit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il y a une question profonde d'identité. Être créé à l'image de Dieu, ça implique premièrement notre identité en tant qu'individu. Il y a quelques années de ça, du coup ça doit remonter peut-être à 6-7 ans, avec mon épouse, avec Aurélie, on était partis à Leeds, donc un peu plus au nord de l'Angleterre, pour un séminaire sur la louange. Donc on était partis en fait avec une église, en fait on était partis en voyage quelques jours. Et donc en fait tout se passait bien, on était à Charles de Gaulle ou à Orly, je ne sais plus, enfin bref, peu importe. Et du coup on était tous ensemble, on rigolait, etc. Et donc en fait le trajet se passe et quand on atterrit à Leeds, Aurélie se rend compte d'une chose, c'est qu'elle avait perdu son passeport. Donc on commence à retourner dans l'avion, on cherche, etc. On cherche en fait le passeport partout. On se demande en fait où elle a pu le mettre, on ressort les sacs, on fouille partout et on ne retrouve pas le passeport d'Aurélie. Donc on se retrouve en fait à l'étranger, à savoir en Angleterre, et Aurélie n'a pas son passeport. Et après avoir cherché, on s'est rendu compte qu'elle l'avait certainement perdu dans le bus qui vous amène à l'avion, là, vous savez, à l'aéroport. Et donc on s'est dit, bon, on va voir comment ça se passe. Et la réaction en fait de l'agent en fait arrivé à Leeds nous a donné un peu la couleur de comment ça allait se passer. Quand Aurélie a dit, j'ai perdu ma carte d'identité, mon passeport, il a dit, ok, vous avez un gros problème. On a dit, ok, ça va bien se passer ce séjour-là, là, on est bien parti. Il a dit, vous avez un gros problème. Et donc du coup, on a commencé à rester, du coup, ils nous ont posé tout un tas de questions et tout ça, l'église par laquelle on allait être accueilli à appeler. Au final, ils nous ont laissé du coup faire notre séjour. Mais il restait l'histoire du trajet du retour. Donc en fait, on a passé le séjour, un bon séjour, etc. Mais arrivé pour rentrer en France, donc on s'est retrouvé à l'aéroport de Leeds pour venir à Paris. Et Aurélie, en fait, n'avait pas de papier. Du coup, vous imaginez bien aussi qu'en Europe, déjà d'avoir pas de papier, c'est compliqué. En plus, quand on est noir, c'est encore plus compliqué. Du coup, donc, en fait, ça a commencé à être un petit peu compliqué à expliquer. Et au final, en fait, ils ont dit, mais non, mais en fait, vous n'avez pas de papier d'identité, vous ne pouvez pas retourner en France. Donc on a dit, mais attendez, c'est aberrant quand même. Du coup, on vient de France et en fait, du coup, là, on se retrouve sans papier. Et vous ne voulez pas qu'on retourne dans notre... Ils ont dit, non, non, vous êtes obligés de rester là. Et en fait, donc, Aurélie est restée à Leeds une semaine de plus parce qu'elle n'avait pas de papier d'identité, le temps qu'on fasse des papiers en France et que je lui envoie. Et ça nous a enseigné quelque chose, en fait, derrière ça. C'est que la perte de notre identité nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. C'est exactement pareil dans le spirituel. La perte de notre identité nous empêche d'aller plus loin. Et c'est pour ça que c'est fondamental qu'on comprenne qu'on a été créé à l'image de Dieu. C'est vraiment fondamental de comprendre notre identité, que notre identité est qu'on a été créé à l'image de Dieu. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est que par quoi est définie notre identité ? En général, notre identité peut être définie par trois choses. Soit le monde extérieur, à savoir la famille, les amis, la culture, le monde environnant, soit par nous-mêmes, et avec également l'ennemi qui s'immisce dedans à dire en fait tu es comme ci ou comme ça, ou soit on saisit notre identité qu'on a en Christ. On voit en fait que même Jésus, en fait, son identité a été pointée du doigt par les autres. Quand ils lui disent, ce n'est pas Jésus, le fils du charpentier qu'on connaît, là. C'est lui en fait vraiment, le fils du charpentier. Et à cette image-là, notre environnement peut définir notre identité. Et c'est là où il y a un piège dedans. C'est que les personnes de notre entourage peuvent définir qui on est. Au final, en fait, il y a trois passeports qu'on peut saisir. Le passeport des autres, de ce que les gens disent de nous, de ce qu'on laisse en fait à l'espace aux autres à définir notre identité, de nous-mêmes, et ça a été le cas de Gédéon, qui a dit « mais je suis le plus petit homme de la plus petite tribu, etc. » Ou alors on saisit l'identité que Dieu nous donne, qu'on a été créé à l'image de Dieu. D'ailleurs, ce que Dieu dit à Gédéon, « je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Notre identité est fondamentale. Le principe, une des choses les plus importantes à saisir en tant que Dieu et créateur, c'est qu'on a été créé à l'image de ce Dieu-là. Notre identité est en Christ, est en lui. Et le deuxième principe dans l'application, également ce que ça implique dans nos vies, d'être créé à son image, c'est le principe de l'autorité. Ça dit ceci, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles et ce qui rampe sur la terre. En fin de compte, le sacrifice de Christ parle, quand on accepte Christ, quand on est en lui, on retrouve l'autorité avec laquelle on a été appelé à marcher à la création. En Christ, on retrouve cette autorité. D'ailleurs, c'est ça que dit la Bible, que l'ennemi est sous nos pieds. La promesse de Dieu, on voit dans Deutéronome, dans Josué aussi, en fait, ça dit que toute terre que foulera ton pied, je te la donne, sera à vous, je vous la donne en héritage. Ça, c'est le principe de l'autorité, de la domination. Et la question, du coup, qu'on doit se poser, c'est où est-ce que Dieu met notre pied ? Où est-ce que Dieu met ton pied dans ta vie ? Où est-ce que Dieu fait poser ton pied, du coup, que ce soit dans ton environnement d'études, que ce soit dans ton travail ? Où est-ce que Dieu met votre pied ? En tant qu'Église, depuis votre arrivée ici à Montreuil, qu'est-ce que Dieu, en mettant votre pied ici, à Montreuil, qu'est-ce que Dieu veut ? Toute terre que foulera la plante de votre pied sera à vous. Il y a quelque chose à saisir, vraiment un principe qu'en Christ on retrouve justement cette identité-là, cette identité qu'on avait à la création, cette identité d'autorité, de domination. Je sais que c'est des mots qui peuvent faire un peu peur, parce que du coup ça peut être toujours perçu comme péjoratif, autorité, domination, ça fait un petit peu, vous savez, colonisateur, nan. Mais c'est biblique, profondément biblique. On a en Christ une autorité, on est appelé à exercer cette autorité là où on est, là où Dieu nous fait fouler la plante de notre pied, là où la terre que Dieu nous fait fouler la plante de notre pied. Et je crois qu'en fait le premier lieu où ça s'exerce, c'est au sein de notre famille. C'est la fête des pères aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de papas ici. Je crois que le premier endroit où ça s'applique, c'est dans la famille. L'autorité, la domination, exercer ce ministère-là, ça s'applique premièrement dans la sphère que Dieu nous donne, la sphère privée. Et ça, en fait, ce que j'aime avec Dieu, c'est que ça passe pas. C'est pour ça que je vous disais, en fait, ça peut faire un peu peur, domination, autorité. Là, on parle de pied qui... En fait, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on voit, en fait, dans ce texte-là, Dieu dit. À aucun moment... Ça parle en fait d'arriver en fait et d'imposer avec violence, avec fracas en fait une quelconque autorité. Ça c'est pas l'autorité dans laquelle on est appelé. Vous savez, il y a une grande différence entre être autoritaire et marcher dans l'autorité de Dieu. C'est complètement différent. C'est ça que j'aimerais qu'on saisisse ce matin. Et j'aime en fait, parce que ça dit Dieu dit. Et on a été créé par ce Dieu qui crée par sa parole. Et il est bien évident que nous ne sommes pas Dieu, mais on a été créé à l'image de ce Dieu-là. Et il y a quelque chose de profondément, qu'il faut comprendre profondément dans ce texte d'autorité, c'est que nos paroles, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nos paroles ont un poids, nos paroles ont une autorité, l'autorité de donner la vie ou l'autorité de donner la mort. C'est pour ça que je parle dans la famille, en fait, qu'on soit les premiers à proclamer la vie sur la vie de nos enfants, qu'on soit les premiers à proclamer les beaux projets que Dieu a pour eux, qu'on soit les premiers à proclamer que Dieu est pour eux, n'est pas contre eux, que Dieu a des projets de paix et non des projets de malheur, que Dieu a un avenir pour eux plein d'espérance, etc. En fait, c'est hyper important. Parce que l'autorité, en fait, qu'il y a dans nos paroles, si nous ne prenons pas cette autorité qu'on a, en fait, dans notre identité en Christ, ce sera quelqu'un d'autre qui va le faire. Et on doit saisir cette autorité que nous avons en tant que croyants. J'espère du coup avoir été clair. Je voudrais juste conclure, parce que je sais que si vous c'est 25 minutes, la dernière fois j'avais largement dépassé. Là je suis content, j'ai été dans les temps. Mais je voudrais juste en fait conclure par ci, et je pense que ça va encourager certaines personnes. C'est que ce que j'aime profondément avec le Dieu créateur, le Dieu de la création, qui a créé toutes choses dans ce texte de la création qui est Genèse 1, c'est que Dieu a créé sur le chaos, sur quelque chose qui... Et ce qu'il faut saisir, c'est qu'il y a un message vraiment qui est puissant pour chacune de nos vies. Et ça dit ceci également, ça dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus de l'abîme, au-dessus en fait de toute cette sphère de chaos. Et le terme qui est employé, c'est le même terme en fin de compte qui en fait s'est tournoyé. Et vous savez en fait ce qui tourne en fait autour, qui survole autour, c'est une image qui appelle, du moins certains théologiens le pensent, aux mamans aigles. Vous savez les mamans des aigles tournoient au-dessus en fait de leurs enfants. Et j'aime ce Dieu-là qui, malgré en fait parfois où on est dans des zones de chaos dans nos vies, où tout semble en désordre, où tout semble en fait destruction, chaos, juste où on ne voit pas le bout, Dieu n'est jamais dépassé par les situations. Parce que non seulement il crée, mais il supporte les choses entre ses mains. Même dans la partie la plus noire, dans la partie la plus sombre de ma vie, j'ai cette assurance-là, et c'est Genèse 2 qui le dit, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Que sa présence est là, qu'il tient, qu'il supporte toutes choses entre ses mains. Et j'aime ce Dieu, en fait, on a chanté ça tout à l'heure, du coup, qui nous fait renaître des cendres. J'aime ce Dieu-là, en fait, parce que son principe de création est partout pareil au travers de la Bible. Il crée la terre, il crée, en fait, la terre, les cieux, etc., à partir du chaos, à partir du chaos, du désordre, de quelque chose qui est vraiment pas en ordre. Il crée l'homme à partir de la poussière. Vous savez, de la poussière, en fait, c'est de la terre, vous voyez. On a été créé à l'image de la terre. Vous voyez, donc la prochaine fois que vous posterez un selfie sur Instagram, du coup, rappelez-vous que, du coup, malgré nos filtres et tout ça, à la base, on est juste de la terre, vous voyez. Mais du coup, il crée la terre à partir du chaos. Il crée l'être humain à partir de la terre, à partir de rien, à partir de la poussière, à partir de quelque chose qui est à vue d'œil, qui est sale, on peut le dire, qui est vraiment sale. Et il crée un peuple à partir d'un vieillard, à savoir Abraham. Non seulement qui était un vieillard, mais en plus où sa femme était vieille et stérile. Vous voyez, en fait, il n'y a pas plus. Et c'est ça, en fait, le message qui est encourageant dans notre Dieu qui est créateur, c'est que Dieu crée sur le chaos. Dieu crée et se manifeste sa grandeur, manifeste sa puissance sur ce qui est vil, sur ce qui n'a pas de signification pour nous en tant qu'être humain. Et c'est vraiment la leçon à comprendre, en fait, le principe qui est derrière ça. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, il n'y a aucune sphère de nos vies, aucune difficulté, aucune épreuve, aucun deuil, rien que Dieu ne peut arriver par-dessus et créer quelque chose de beaucoup plus grand. Et j'aime d'ailleurs l'ordre, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelque chose du coup dans cet ordre-là. J'aime la Bible pour ça. Ça dit en fait qu'il a créé les luminaires au quatrième jour. Pourtant, ça dit en fait qu'au premier jour, ça a séparé les ténèbres de la lumière. Et en fin de compte, c'est une réponse également au paganisme de l'époque, aux dieux de l'époque, où les gens adoraient également le soleil. Et d'ailleurs, en fait, le soleil et la lune n'est même pas nommé. Bon, ça parle de luminaire pour le jour, de luminaire pour la nuit. Et ça nous enseigne aussi quelque chose, c'est que Dieu est au-delà de toutes les divinités, de toutes les idoles qu'on peut se créer dans nos vies. Évidemment, en fait, que ça ne prend pas forme juste en fait sur se prosterner devant telle ou telle idole, mais parfois en fait on met quelque chose à la place de Dieu dans nos vies, et Dieu en fait est bien au-delà de ça. Et c'est ça en fait que je voulais appuyer également pour finir. En fait, Dieu crée en fait les luminaires au quatrième jour, mais sa lumière était là depuis le premier jour parce que c'est lui la lumière du monde. Amen. Je voudrais prier avant de terminer. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es ce Dieu créateur, Seigneur, tu es ce Dieu qui a créé toutes choses. Et Seigneur, surtout, tu crées, Seigneur, au-dessus, Seigneur, du chaos, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu ramènes les choses à la vie, Seigneur, tu crées la vie là où règne, Seigneur, la mort. Seigneur, tu ramènes la lumière là où règnent les ténèbres, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, je veux juste bénir ton nom pour ça, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans cette salle, Seigneur, et qui traverseraient une période sombre. Je te prie vraiment, Seigneur, d'apporter un baume sur leur cœur, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, que tu relèves, Seigneur mon Dieu, ces situations qui semblent être des cendres où le chaos règne, Seigneur mon Dieu, que tu ramènes la vie. Seigneur, je te prie, Seigneur, toi qui es le créateur de toutes choses, Seigneur, que tu ramènes la vie et la vie en abondance, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu es ce Dieu créateur, Seigneur mon Dieu, tu es ce Dieu qui sépare, Seigneur, tu es ce Dieu qui ramène la plénitude, et tu es ce Dieu qui ramène la multiplication, l'abondance, Seigneur, la bénédiction, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, je te prie qu'on saisisse, Seigneur, chacun, Seigneur, ces choses, et qu'on puisse les appliquer dans chacune de nos vies avec toi. Merci pour ton amour, merci parce que tu nous aimes, Seigneur, depuis la création du monde, Seigneur, et que tes projets sont parfaits. Merci pour ta parole, Seigneur, qui ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Je te prie, Seigneur, que ta parole, Seigneur, passe de notre intellect, Seigneur, à notre cœur, et qu'elle puisse porter des fruits, et des fruits en abondance, dans le nom de Jésus. Amen.